Bien bonjour à toutes, bonjour à tous. Même si la météo a bien changé, ça s'est bien rafraîchi sur notre région, un petit peu partout en France également, mais particulièrement en Lorraine. Moi, je suis là pour vous réchauffer le cœur à travers notre émission Coup de cœur, ça rime notamment. Et aujourd'hui, un coup de cœur sur un artiste qu'on ne voit plus beaucoup. Je vous en dis un peu plus dans quelques minutes. Mais avant, je tiens à vous faire part d'un témoignage, le mien notamment, puisque je suis allé assister samedi dernier au spectacle de Sheila à la salle Playel. Alors, quoi vous dire de cette soirée inoubliable en ce qui me concerne? Une prestation de plus de 2h30 sans aucune interruption, une superbe salle archi-comble, une ambiance de fou, de vrais fans, un spectacle plein d'énergie et d'amour en fait, et quelques personnalités que j'ai aperçues par-ci, par-là, notamment Catherine Jacob, Benjamin Castaldi, Augustine Galliana, une annonce, un rendez-vous au Grand Rex en novembre 2023 par Sheila. Alors, je vous propose de l'écouter, notamment quand elle a présenté ses musiciens, également Monsieur Hazard, sans qui rien ne serait arrivé. Je lui laisse la parole et on l'écoutera dans la dernière chanson qu'elle a interprétée dans ce spectacle, « Pensez à moi, parfois ». On retrouve Sheila à la salle Playel. Il faut absolument que je présente les garçons qui sont sur la scène avec moi, le groupe Hashtag. Vous pouvez les appeler plus fort. Parce qu'ils font un boulot monstre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que si je ne les avais pas rencontrés, j'aurais arrêté, sincèrement, parce que j'étais arrivée à tourner en... Ah bah, non, mais on se parle ou on se parle pas? On se parle. Donc j'étais arrivée un petit peu à tourner en rond. Et puis voilà, le destin a fait que j'ai rencontré ces garçons pleins de talent. Donc j'aimerais vous les présenter et j'aimerais vraiment qu'à l'énoncé de leur nom, vous leur fassiez une ovation. Nous avons à la tête les genoux. Monsieur Valentin Hébert, ouais. Vous savez qu'une batterie ne va jamais sans la basse. Et moi j'ai pris le meilleur de pas. Monsieur Philippe Conan, ouais. Au clavier, il a une voix magnifique, mais je pense que vous le savez parce qu'on a déjà chanté en duo plusieurs fois ensemble. Et il est là, il joue très très bien de tout. Il chante très bien, maintenant il a rajouté le flutio. Je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais je trouve ça drôle. Monsieur Ralph Hanan. Quand je l'ai connu, il était tout timide. Ça s'est beaucoup amélioré. Ben oui, il joue très très bien de la guitare. C'est un beau mec, faut le dire. Il est marié. Monsieur Anthony Magloire-Lagrève. Et je suis obligée de vous parler de quelqu'un qui a une importance capitale dans ce spectacle. D'abord, il m'a fait un très très bel album. Je le connais depuis 2009. On a travaillé ensemble en 2016. J'ai découvert qu'il avait un groupe. Je lui ai proposé de commencer à écrire. Et ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que ce que vous entendez ce soir, tout ce spectacle, je le dois à Monsieur Eric Hazard. Même si je sais que la frontière reste très loin, peut-être encore. Chaque jour j'avance vers ce désert, d'accord ou pas d'accord. Un jour je foulerai de mes pas cette terre que l'on dit de lumière. Reviens pas, d'accord ou pas. Lorsque ma vie repassera sous l'ombre fine de mes paupières, que pour moi plus rien ne sera quand je quitterai notre terre. Pensez à moi, parfois, et donnez-moi de la lumière quand je ferai mes premiers pas, que j'aurai passé la frontière. Pensez à moi, parfois. du temps d'amour ici-bas que je crève de cet avenir. Je sens qu'il gronde au fond de moi la colère de devoir partir. Mais si je dois quitter ce monde, si je perdais ce combat-là, sous le ciel clair ou la pénombre, lorsque ne restera que ma voix, pensez à moi parfois et donnez-moi de la lumière quand je ferai mon premier pas, que j'aurai passé la frontière. Pensez à moi parfois pour que je survive en ce monde, que je ne reste pas dans l'ombre. Pensez à moi, pensez à moi. Pensez à moi parfois pour que je survive en ce monde, que je ne reste pas dans l'ombre. Pensez à moi, pensez à moi. Ne vous en faites pas, Madame Sheila, je pense qu'avec la prestation de qualité que vous nous avez livrée à la salle Playel, c'est pas demain qu'on vous oubliera. Je pense que ce sera le cas. On va parler de vous encore pendant de nombreuses, nombreuses années. Et puis, une chose importante, rendez-vous au Grand Rex en 2023. Ça, c'est un rendez-vous qui est pris, et que les mauvaises langues puissent se taire puisque la prestation était exceptionnelle. Alors, notre coup de cœur. Donc, je tenais quand même à vous faire partager ce moment magique que j'ai vécu à la salle Playel samedi dernier. Mais on a un coup de cœur aujourd'hui. Écoutez plutôt ce qui va suivre. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Sous un pli bleu, je t'envoyais la tendresse de Bernard Dimé. Tu trouvais que c'était joli, tu n'y as jamais rien compris. Je t'envoyais des chansons de brêle, celles qui frappent où le cœur se fêle. Je pensais qu'elles pourraient peut-être faire pousser un arbre au désert. Je t'envoyais des fleurs séchées, de la lavande et des pensées. Il n'y a pas d'amour heureux, disait Aragon amoureux. J'écrivais tout et sans pudeur, je me déshabillais le cœur. Je t'écris une dernière fois, c'est ma dernière chanson pour toi. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Je te recopiais des poèmes, piqués à ce vieux fou du goût. Lui qui savait dire je t'aime, sans jamais avoir l'air idiot. Je me servais d'Apollinaire et de Rimbaud et de Verlaine. Ce rêve étrange et pénétrant, moi aussi je l'ai fait souvent. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé,

d'habitude, faut pas rêver. La fin est venue entre nous. Allez, on revient à notre coup de cœur du jour, Claude Barzotti. Après quelques années plus difficiles, il a connu un dernier succès en 1990 avec le slow « Aime-moi ». À noter que deux de ses chansons, notamment « Lorita » et « Madame », figurent dans la bande originale du film « Camping ». À noter que également les deux albums qui ont suivi, hein, « Aime-moi », sont des compilations de ses plus grands succès, respectivement intitulés « Je vous aime » et « Vadovia », grand standard italien repris pour l'occasion. « Aime-moi », son dernier grand succès, on l'écoute tout de suite sur Fadjet. Respire contre ton, ne respire presque pas. Aime-moi. Je trace le chemin de la bouche et des mains, te dessine la voie. Aime-moi. Et c'est moi qui décide, qui t'emmène et te guide et dispose de toi. Aime-moi. Te manger comme une pomme qu'on craque et abandonne, te prendre comme un homme. Aime-moi. Je connais la manière et comment il faut faire. Fadjet, le festival de toutes les musiques. Allez, je l'ai cité tout à l'heure, elle faisait partie du jury également de l'émission de RTL TVI, c'était Sophie Favier. Vous vous rappelez cette jolie jeune femme blonde qui avait un petit feu sur la langue? On va l'écouter histoire de se détendre un petit peu aujourd'hui, plus qu'hier, Sophie Favier. Qualité de Sophie Favier, rappelez-vous, c'est qu'elle ne s'est jamais prise au sérieux et ça peut être très très important dans la vie. On revient à notre coup de cœur, Claude Barzotti. En 2004, il se produit à l'Olympia avant de se lancer à l'assaut des galas pour approcher au plus près son fidèle public. Il prend quelques années de césure durant lesquelles il est nommé officier de l'ordre Léopold II en 2005, notamment, bien sûr c'est en Belgique. Et en 2007, il écrit de nouveaux titres comme Jada pour la fille de la productrice Dominique Cancien. Le titre connaît un succès retentissant, il est même programmé 3 fois par jour pendant l'été sur TF1, cela a relancé sa carrière. Il a participé également aux saisons 3, 4 et 5 de la tournée H Tendre et Tête de Bois de 2008 à 2011, ainsi qu'à la croisière H Tendre en décembre de la même année. Il remplit l'Olympia les 19 et 20 janvier 2009 avec le spectacle qui s'appelait « Je reviens d'un voyage ». dont est tiré un album live au printemps 2009. Il a participé également au Zénith de la Solidarité le 20 février 2011 à Lille, Zénith de Lille. On va l'écouter dans un standard italien, Vadovia, et puis dans un trio Latin Lover, il sera accompagné d'Herbert Léonard et puis de Jean-Jacques Lafont. Questa volta ho deciso che vado, ma perché non me l'hai detto tu di non poterne più? Dentro a quel mezzo sorriso un po' spento ho scoperto i difetti che hai, ma come avrei potuto finisce con te. Oui, on vivait au jour le jour. comme les plus grands séducteurs, juste de passion et d'amour. On n'oubliera jamais nos chansons en balai et toutes les filles boulées, les dédicaces privées. On n'oubliera jamais ces moments partagés, les filles nous aimaient et nous on y croyait. Quand on était Latin lover, rien ne laissait penser que voir tourner les heures nous ferait regretter. Ce temps où on chantait ces refrains qui plaisaient à ces filles qui rêvaient de vivre à nos côtés. Les années ont passé, ça se voit, on le sait, mais ce qu'on dit est vrai, on n'oubliera jamais. Chansons en ballet et toutes les filles boulées, les dédicaces vivées. On n'oubliera jamais ces moments partagés, les filles nous aimaient et nous on y croyait. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ils en ont fait tourner des chœurs, ces trois-là, Herbert Léonard, Jean-Jacques Lafont et Claude Barzotti. Claude Barzotti qui continue toujours dans la chanson, comme avec la sortie en 2015 de son opus Le Temps qui passe. Néanmoins, il reste un homme tourmenté, ayant commencé à consommer de l'alcool à cause de son succès, enfin par rapport à son succès. Claude Barzotti a suivi plus de 10 cures de désintoxication et il continue son combat contre l'alcoolisme depuis plusieurs années. En novembre 2020, il annonce lors d'une interview à un magazine être atteint d'une pancréatite. La vie personnelle de l'auteur d'ailleurs inspire ses chansons, comme dans le titre Quand les enfants s'en vont en 2014. Le chanteur a deux filles, Sarah 1992, Vanessa 1974. Il est également, sachez-le, le grand-père d'une petite fille. Je vous propose de l'écouter dans Je bois, hein, par rapport à ce qu'on vient de dire. Et puis après, un disque de Morgane, c'est une nouveauté. Elle est accompagnée de son fils Étienne. Viens, on danse sous la pluie. Alors, quelques mots de Morgane. Elle est belge et elle a fait le début de sa carrière produite par Claude Barzotti, des chansons composées tout spécialement pour elle par notre coup de cœur du jour. Pour l'instant, c'est Je bois. Et Morgane juste après. Je bois pour mieux me faire entendre. Je bois et me laisse parler. Tout ça au risque de surprendre. Je bois pour ne rien oublier. Je bois parce que ça me fait rire de moi et jusqu'à m'écrouler. Je bois pour conjurer le pire. Je bois pour me saouler. Je bois et je m'aide à survivre. Je bois jusqu'à me désoiffer de moi et des mots qui m'enivrent. Jusqu'à devoir les inventer. Je bois pour expier mes fautes. Je bois sur toutes mes fiertés. Tu vois, je triche et vis en fraude. Je bois et je boirai. Je bois pour soulager ma peine. Du moins, plus je bois, plus j'y crois. C'est ma réponse à toutes ces dames qui m'ont quitté parce que je bois. Je bois parce que ça me fait dire ce qui ne dit au grand jamais. Le troubadour, chanteur de charme, de son passé, de son secret. Je bois et tire les soutanes de tous les croyants nom de Dieu. Moi, mes crayons, moi le profane, contre eux, qui pourra dire mieux. Je bois et je crache à la gueule de ceux qui n'ont jamais compris que boire, c'est une histoire en somme d'un homme qui coule sous sa vie. Je bois et roule sous la table, et puis qui peut m'en empêcher? Car je suis seul sous cette table, personne ne peut me relever. Les plus belles chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. Et si on regardait pousser les marguerites dans la pelouse, les champignons dans la forêt. Si on profitait du ciel bleu pour sortir de la file d'attente. Et puis si on posait les yeux sur des choses plus importantes. On fait un arrêt sur image, on ne détourne plus les yeux. On ouvre les cœurs et les cages, on fait le pari d'être heureux. Maintenant que l'on sait le prix des petites choses de la vie et la valeur de chaque instant, ne laissons plus filer le temps. Viens, on danse sous la pluie, sans pote, sans parapluie, à seul et à celui que tu aimes, dis-le-lui. Viens, on danse sous la pluie, puisqu'on n'est plus à l'abri. Touche, caresse et embrasse avant que le temps ne passe. Puisque tout peut s'arrêter, c'est maintenant qu'il faut danser. Si on pariait sur demain, sur un monde bien plus humain. Si on devenait solidaire, si on apprenait à le faire. Si on s'offrait une autre chance de miser sur la bienveillance. Puisque l'on sait qu'en un instant tout peut s'arrêter brusquement. Après l'étonnement et la peur, cette mainmise sur le bonheur. Si on pouvait prendre conscience du bonheur qu'on a d'être ensemble. Mesure l'urgence d'aimer, on perd trop de temps à penser. À mesurer le pour le contre, on n'a pas le temps de faire des comptes. Viens, on danse sous la pluie, sans bottes, sans parapluie, à celle et à celui que tu aimes, dis-le-lui. Viens, on danse sous la pluie, puisqu'on n'est plus à l'abri. Touche, caresse et embrasse avant que le temps ne passe. Puisque tout peut s'arrêter, c'est maintenant qu'il faut danser. Toi, en cri d'amour, en cri de joie, il faut avoir toutes les audaces avant que reviennent les masses. Il faut réinventer le monde, profiter de chaque seconde, plus jamais remettre à demain les mots, les gestes qui font du bien. Laisse tomber l'armure, le masque, l'imposture, et que le temps d'après surtout n'oublie jamais. Viens, on danse sous la pluie, sans bottes, sans parapluie, à celle et à celui que tu aimes, dis-le-lui. Viens, on danse sous la pluie, puisqu'on n'est plus à l'abri. Touche, caresse et embrasse avant que le temps ne passe, avant qu'une autre misère installe d'autres barrières. Puisque tout peut s'arrêter, c'est maintenant qu'il faut danser. C'était l'univers musical de Claude Barzotti. Morgane, une artiste belge pour qui il a donc composé plein de titres au début de sa carrière, il y a quelques décennies. Quelques mots encore à ajouter. Le 23 juillet dernier, Claude Barzotti a soufflé ses 69e bougie. L'occasion de se pencher sur les raisons qui l'ont poussé à mettre un terme à sa carrière musicale en 2020, notamment. Après avoir marqué les années 80, on peut dire qu'il n'a pas connu le même succès les décennies suivantes, on vient d'en parler, mais il s'est toujours accroché à cet univers musical qu'il aimait tant. Albums, tournées, concerts de solidarité, émissions de télévision, etc. Bien que moins populaire, il n'a jamais cessé de chanter, du moins donc, comme je viens de vous l'annoncer, jusqu'en 2020. Cette année-là, Claude Barzotti a annoncé qu'il mettait terme à sa carrière, lassé de ne plus pouvoir donner de concerts, notamment à cause de la crise sanitaire, mais également à cause de ses problèmes de santé. Alors c'est le terme de cette émission. On va écouter une nouveauté avant de le retrouver en public. Il nous chantera « Mais où est la musique ?» enregistrée à l'Olympia. Et c'est une nouveauté de Garou qui s'appelle « Autour du feu ». Moi, je pourrais très bien dire également « Autour de Joe Dassin ». Garou. Je me souviens très bien ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Quoi ? On ira où tu voudras qu'on t'aidera, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. La la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Ça va pas changer le monde, ça va pas le déranger. Il est comme avant le monde, c'est toi seul qui as changé. Moi je suis resté le même, celui qui croyait que tu l'aimais. C'était pas vrai. Non, pas non plus. Et la vie continue. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Moi je suis resté. Nos coups de cœur. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Un soir de blues, un soir de pluie. danseront solo. Adieu rumba, adieu tango. Mais où est la musique? La douceur des violons qu'en font les romantiques. Il n'y a plus de chansons. Les couleurs, la voix d'autrefois. Que font les romantiques? Y'a plus d'Elvis, plus de Martin. Il n'y a plus de chansons. Mais où est la musique? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Y'a plus que de la technique. J'ai besoin de... Une nouvelle page va se tourner, un nouveau numéro de coup de cœur la semaine prochaine qui mettra en vedette un nouvel artiste. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En tous les cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine, si possible à l'écoute de Fadjet. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 17h. Allez, portez-vous bien d'ici là. Bye bye.